tout le monde ouais, le fait. it beats. We do it better. Je voulais faire des moments femmes, mais tu me rattrapes pas, je mets la vitesse. J'ai très peu de frères à mes côtés. C'est toute ma haine dans la vitelle. Ça tourne en rond de ma teuté. Depuis que ça paye, j'ai des bisous, des câlins, des pesos. C'est tout le monde me follow. À la mi, les talons, les bijoux, rouge à lèvres. Dans deux heures, on se rejoue en télo. Je suis dans des bails très bizarres. Merde, Kader, faut faire des sous. Dans tous les cas, j'ai mon pétard. Les premiers qui montent, bon, on va le descendre. Je me suis fait seul. Me raconte pas ton discours. On suspecte. Tu m'en suis en bas du bâtiment. Par ici t'auras pas sentiment. Ah, c'est du jaune un peu collant. Je suis rabat au volant. Elle veut porter mon nom. Elle sait pas que mon cœur c'est du ciment. Ah, doucement, je suis pas pressé. Je dois faire des soupes à temps des bisous. Faut qu'offrir, j'arrête d'encaisser. La rue, tu la vois que sur les réseaux. Ah, si tu chantes, sur la guitare. Même la prod te sent agressée. Poto, qu'est-ce que je te sens bizarre. Retire ton masque pour commencer. T'as vu le mental est costaud. Alhamdoulilah, tant que j'ai ma santé. Ça dans le sang, j'ai que des frères, pas d'associés. La roue va tourner, fit belle, que ça va faire mal. Et le premier qui va l'ouvrir, croyez-moi que ça va avaler.